Chapitre 30e. Jamais Catherine n'avait eu des goûts sédentaires et jamais elle n'avait été très laborieuse. Quoique Madame Orlande fût habituée de longue date à ses défauts, elle ne fut pas sans remarquer qu'ils s'étaient fort développés. Catherine ne pouvait 10 minutes de suite rester assise ni vaquer à une occupation quelconque. Elle parcourait le jardin, le verger, encore et encore, comme si marcher eût été sa seule raison d'être. Il semblait même qu'elle aimait mieux circuler par la maison que de stationner un instant dans la salle commune. Un changement plus grand s'était opéré en Catherine. Elle avait perdu son exubérance. Errante et indolente, elle était du moins la charge de la Catherine de naguère. Muette et mélancolique, elle en était l'antithèse. Les 2 premiers jours, Madame Orlande avait espéré que Catherine se rassérénait sans son intervention. Comme, après 1/3e nuit, la gaieté de Catherine n'avait pas reparu, que son activité continuait à être inutile, qu'elle ne témoignait pas d'un goût plus vif pour la couture, Madame Orlande ne put retenir ce reproche amical. « Ma chère Catherine, je crois que vous êtes en train de devenir trop grande dame. Je ne sais vraiment quand les cravates de ce pauvre Richard seraient faites, s'il devait compter sur vous seule. Vous pensez trop à Baff. Il y a un temps pour tout, tant pour les bals et les jeux, tant pour le travail. » Vous avez eu une longue période de plaisir. Il faut maintenant que vous essayiez de vous rendre utile. » Catherine prit immédiatement son ouvrage et dit d'une voix éteinte qu'elle ne pensait pas beaucoup à Baff. « Alors vous vous tourmentez à cause du général Tilney, ce qui est très enfantin, car il y a 10 à parier contre 1 que vous ne le reverrez jamais. Ne vous tourmentez donc pas pour des bagatelles. » Un silence. « J'espère, ma chère Catherine, que vous ne vous serez pas dégoûté de la maison parce qu'elle n'est pas aussi magnifique que Northanger. Votre séjour là-bas serait alors un véritable malheur. Où que vous vous trouviez, vous devriez toujours être satisfaite, mais surtout la maison, puisque c'est là que vous avez à passer la plus grande partie de votre temps. Je n'ai pas beaucoup aimé, au déjeuner, vous entendre autant parler du pain français de Northanger. Oh, je ne me soucie pas du pain. Ce que je mange m'est bien indifférent. » Dans un des livres qui sont là-haut, il y a des pages très justes à propos des jeunes filles que leurs trop belles relations ont dégoûtées de leur intérieur modeste. Le miroir, je crois. Je le chercherai pour vous un de ces jours. Je suis sûr que cette lecture vous fera du bien. » Catherine ne dit plus rien. Faisant effort sur elle-même, elle s'appliquait à son ouvrage. Mais au bout de quelques minutes, et sans s'en apercevoir, elle devint inattentive. Elle s'agitait sur sa chaise, oubliant son aiguille. Madame Orlande observait les phases de cette rechute. Elle était maintenant convaincue de l'exactitude de ses soupçons de tout à l'heure. Elle quitta la chambre pour aller chercher le livre en question, impatiente de combattre une si fâcheuse maladie. Elle ne trouva pas immédiatement ce qu'elle cherchait, et comme d'autres soins encore l'avaient retenue, il s'écoula 1/4 d'heure avant qu'elle redescendît avec le volume sur lequel elle fondait tant d'espérance. Ce qui l'avait occupée là-haut, l'ayant empêchée d'entendre tout autre bruit que celui qu'elle créait elle-même, elle ignorait qu'un visiteur fût arrivé depuis quelques minutes. En entrant dans la chambre, elle vit un jeune homme qu'elle ne connaissait pas. Très respectueusement, il se leva, et Catherine le présenta sous le nom de M. Henry Tilney. Avec une émotion mal contenue, il s'excusa d'être là, reconnaissant qu'après ce qui s'était passé, il avait peu de droit à un bon accueil, et il expliqua son intrusion par l'impatience qu'il avait eue de s'assurer que Mlle Morland était arrivée sans encombre chez elle. Il ne s'adressait pas à un juge inflexible ou à un cœur susceptible de rancune. Loin de les faire pâtir, lui et sa sœur, de la conduite du général, Madame Morland n'avait cessé d'être très bien disposée à leur égard. Content de voir Henry, elle le reçut avec les paroles simples d'une bienveillance sincère. Elle le remercia de la sollicitude qu'il témoignait pour sa fille, l'assura que les amis de ses enfants étaient toujours les bienvenus et le pria de ne plus faire allusion à ce qui s'était passé. Il n'était pas fâché de se soumettre à cette prière. Quoique très soulagé par une indulgence aussi imprévue, il ne lui aurait pas été possible en ce moment de parler de ces choses. S'étant rassis, il répondit avec une grande déférence à toutes les questions de circonstances que lui fit Madame Morland sur le temps, les routes. Cependant, l'anxieuse, l'heureuse, la fiévreuse Catherine ne disait pas un mot. Mais ses joues en feu et ses yeux brillants firent espérer à sa mère que la spontanéité charmante de cette visite lui rendrait la paix pour quelque temps, et joyeusement, elle mit de côté le 1er volume du miroir, le réservant pour une autre fois. désireuse de l'appoint de M. Morland, qui trouverait des sujets de conversation et saurait mettre à leur aise leur hôte. Elle avait pitié de le voir confus encore de la conduite de son père. Madame Morland avait dépêché un de ses enfants à la recherche de M. Morland. Celui-ci était sorti. Livrée à elle-même, Madame Morland, au bout d'un quart d'heure, n'eut plus rien à dire. Deux silencieuses minutes passèrent. Henry, se tournant vers Catherine, pour la première fois depuis l'entrée de Madame Morland, lui demanda avec une gaieté soudaine si M. et Mme Allen étaient à Fullerton. Dans l'embarras confus des mots de la réponse, il discerna le sens qu'un « oui » eût suffi à donner. Aussitôt, il exprima son désir de leur présenter ses respects, et, rougissant un peu, il demanda à Catherine si elle n'aurait pas la bonté de lui montrer le chemin. « Vous apercevrez la maison de cette fenêtre, » dit Sarah. Henry Tilney s'inclina. Madame Morland, d'un signe de tête, fit taire Sarah. Elle ne voulait pas empêcher Catherine d'accompagner M. Tilney, pensant que les explications que celui-ci pouvait avoir à donner sur les façons de son père, il les donnerait plus facilement dans un tête-à-tête. Ils partirent. Madame Morland ne s'était pas trompée. Henry avait, en effet, à donner des explications relatives à son père, mais il voulait d'abord s'expliquer lui-même. Il parla donc, et si bien, qu'il semblait à Catherine qu'elle n'entendrait jamais assez des paroles si douces. Elle était sûre maintenant de son affection. Henry sollicitait la sienne, mais ne savait-il pas l'un et l'autre que, dès longtemps, Catherine était acquise à Henry? À la vérité, s'il l'aimait, s'il se délectait au charme de son caractère et se plaisait fort en sa compagnie, je dois confesser que son affection avait eu pour origine quelque chose comme un sentiment de gratitude. Il l'avait aimé de l'aimer. C'était là une conjoncture toute nouvelle dans le roman, et qui fait déchoir terriblement mon héroïne. Mais si cette conjoncture est nouvelle aussi dans la vie réelle, eh bien, l'on dira que j'extravague. » Après une très courte visite à Madame Allen, Henry avait parlé sans bien savoir ce qu'il disait, et Catherine, absorbée dans son bonheur, avait à peine desserré les lèvres. Ils se retrouvèrent seuls, et Catherine sut alors jusqu'à quel point exactement le père avait approuvé la démarche du fils. Quand Henry était revenu de Woodston, il y avait 2 jours, le général était allé à sa rencontre et, en termes rudes, l'avait informé du départ de Mademoiselle Morland et lui avait intimé l'ordre de ne plus penser à elle. Telle était l'autorisation dont pouvait se targuer Henry. Mais du moins, et dans sa douleur, elle en éprouvait une joie intime, Henry venait-il de lui demander sa main avant de lui raconter ces incidents qui l'eussent peut-être incité à un refus? À mesure que Henry donnait des détails et exposait les motifs de la conduite de son père, Catherine reprenait de l'assurance. Le général n'avait rien à lui reprocher que d'être la cause involontaire d'une déception que son orgueil ne pouvait pardonner et qu'un orgueil plus haut eût été honteux d'avouer. Elle était coupable uniquement d'être moins riche qu'il n'avait cru. S'imaginant voir en elle une riche héritière, il l'avait comblée de ses prévenances à Bath, l'avait invitée à venir à Northanger, et avait décrété qu'elle serait sa bru. Quand il découvrit qu'il s'était mépris, la congédier lui parut la meilleure marque, encore qu'insuffisante, de son ressentiment contre elle et de son mépris pour les Morland. C'est John Thorpe qui d'abord l'avait trompé. Au théâtre, un soir, voyant son fils s'empresser auprès de Mademoiselle Morland, le général avait, par hasard, demandé à Thorpe s'il savait d'elle autre chose que son nom. Thorpe, fier d'être l'interlocuteur d'un homme de cette surface, avait été communicatif avec emphase, et comme alors il s'attendait un jour à l'autre à voir Morland demander Isabelle en mariage, et qu'il avait, lui, jeté son dévolu sur Catherine, sa vanité le poussa à dire la famille Morland plus riche même que sa vanité déjà, et sa cupidité ne s'était complue à croire. Sa propre importance exigeait que fût grande l'importance de tous ceux avec qui il frayait, et à mesure que croissait son intimité avec les gens, croissait aussi leur fortune. Les espérances de son ami Morland avaient donc augmenté de jour en jour à partir de la première exagération et plus rapidement encore depuis qu'Isabelle était entrée en scène. Mais en l'honneur du général Tilney, il doubla la plus haute évaluation antérieure du bénéfice de M. Morland père, tripla sa fortune, abattit la moitié de ses enfants et le lotit d'une tente magnifique. Toute la famille était ainsi exposée en favorable lumière. Pour Catherine, objet spécial de ses propres spéculations et de la curiosité du général, Thorpe avait en réserve d'autres prestiges encore. les 10 ou 15 000 livres que son père lui donnerait seraient un joli appoint à l'héritage Allen. L'intimité de Catherine avec les Allen avait en effet convaincu Thorpe qu'il lui laisserait une part de leur fortune. De là à la présenter comme l'héritière de Fullerton, il n'y avait qu'un pas. Le général s'en était tenu à ses renseignements. Comment eût-il douté de leur authenticité? L'alliance prochaine de Mademoiselle Thorpe avec un des membres de cette famille et le projet de mariage de Thorpe lui-même avec Mademoiselle Morland, toutes choses dont le narrateur se vantait bien haut, étaient de suffisantes garanties. À cela s'ajoutaient des faits certains. Les Allen étaient riches et n'avaient pas d'enfants. Mademoiselle Morland était sous leur protection, et comme le général put en juger dès qu'il les connut, il la traitait avec une bonté paternelle. Sa résolution fut bientôt prise. Il avait déjà, dans l'attitude de son fils, discerné de la sympathie pour Mademoiselle Morland. Plein de gratitude envers M. Thorpe pour ses informations précieuses, il se résigna presque instantanément à ruiner les plus chères espérances de l'informateur. Vers ce temps, Catherine ne pouvait pas être plus ignorante de ses desseins que Henry et Éléonore. Ceux-ci, qui ne voyaient rien dans la situation de Catherine qui pût tant séduire leur père, avaient constaté avec étonnement la spontanéité, la persistance et les progrès de l'intérêt qu'il lui portait. Plus tard, quand le général lui avait presque intimé l'ordre de se faire aimer de Catherine, Henry avait compris que son père croyait l'alliance avantageuse. Mais jusqu'à cette conversation récente à Northanger, Henry n'avait pas su quel était le point de départ de si aventureux calculs. Qu'ils fussent erronés, le général l'avait appris de la personne même qui l'avait induit à les faire. Par hasard, il avait rencontré Thorpe à Londres. Sous l'influence de sentiments diamétralement opposés à ceux de naguère, irrité du refus de Catherine et aussi de l'échec d'une réconciliation tentée entre Morland et Isabelle, convaincu qu'ils étaient à jamais séparés, rejetant dédaigneusement une amitié qui ne lui était plus utile, Thorpe se hâta de contredire tout ce qu'il avait dit autrefois. Il avoua avoir été lui-même abusé. Les rodomontades de son ami lui avaient fait croire que M. Morland avait de la fortune et était un homme d'honneur, alors que les négociations des 2 ou 3 semaines dernières avait établi le contraire. Après avoir débuté par les promesses les plus libérales, mis en demeure de s'exécuter, il avait, exposait le subtil narrateur, été contraint d'avouer qu'il lui était impossible de donner au jeune couple même le plus mince revenu. Au vrai, c'était une famille misérable, une famille populeuse au-delà de tout exemple, et comme il avait eu récemment l'occasion de le constater, point du tout considéré dans le voisinage. Il menait un train de vie que leur situation ne pouvait justifier, cherchaient à se donner du lustre par de belles relations, une race hardie, fanfaronne et intrigante. Le général terrifié prononça alors le nom d'Allen et son regard interrogeait. Ici encore, Thorpe avait été induit en erreur. Les Allen, croyait-il, avaient vu de trop près les Morland. Thorpe connaissait le jeune homme à qui décidément devait échoir l'héritage de Fullerton. Le général en avait assez entendu. Furieux contre tous, sauf contre lui-même, il était parti le lendemain pour l'abbaye où nous l'avons vu à l'œuvre. De tout cela, je laisse à la sagacité de mon lecteur le soin de déterminer ce qui put être immédiatement communiqué à Catherine, ce que le général avait dit à Henry, ce que celui-ci avait eu à conjecturer pour bien voir clair dans la situation, et ce qui fut ultérieurement connu par une lettre de James. J'ai groupé les faits pour la commodité du lecteur, à lui de les départir pour la mienne. De toute façon, Catherine en savait assez maintenant. Elle en pouvait convenir. Quand elle avait soupçonné le général d'un meurtre ou d'une séquestration, elle avait à peine forcé son caractère et exagéré sa cruauté. Henry avait autant de douleur à révéler ces choses qu'il en avait eu à les apprendre. Il rougissait d'avoir à dévoiler les pensées mesquines de son père. La conversation qu'ils avaient eue à Northanger avait été fort peu amicale. En apprenant les mauvais procédés dont avait pâti Catherine, et en recevant l'ordre de donner un autre cours à ses idées, Henry avait hardiment manifesté son indignation. Le général, habitué à faire la loi chez lui, et nullement préparé à rencontrer une résistance formelle, supporta mal l'opposition de son fils. Mais sa colère, pour violente qu'elle fût, ne pouvait intimider Henry fort de sa conscience. Il se sentait lié d'honneur à Mademoiselle Morland et il l'aimait. Ce cœur qu'on l'avait poussé à conquérir était maintenant sien. Froidement, il refusa d'accompagner son père dans le Hertfordshire et déclara qu'il allait solliciter la main de Catherine. La colère cramoisissait le général. Ils se quittèrent. Henry, dans un état d'agitation qui ne se calma qu'après force heure de solitude, était retourné à Woodstone aussitôt. Le lendemain après-midi, il se mettait en route pour Fullerton.